tusimame juu ya kusoma neno la Mungu. Na tufungue Biblia zetu Danieli sura sita. Nous te bénissons, notre Père. Tunakubariki baba yetu. Parce que tu nous as donné la vie. Ulitupatia uzima. Nous t'avons consacré cette journée pour t'adresser nos prières. Tulikutolea hii siku njoa kukutolea maombi. Parce que nous croyons que tu es l'unique Dieu qui est capable de résoudre nos problèmes. Kwani tunaamini kwamba uko Mungu peke yako mwenye kuwa na uwezo ya kuleta jibu kwa mambo yetu. Nous voulons voir une délivrance totale dans nos vies. Tunapenda kuona ukombozi au tele katika maisha yetu. Nous voulons marcher au-dessus de tous les péchés. Tunapenda kutembea juu ya madhambi zote. Et nous voulons expérimenter un salut véritable. Na tunapenda kuonja wokovu ya kweli. Pour marcher comme les enfants de ton royaume. Ndio kutembea sawa watoto wa mfalme yako. Et donner gloire à ton nom. Na kuleta utukufu kwa jina lako. C'est pourquoi ce soir au nom de Jésus-Christ. Ndio kwa maana mangaribi hii katika jina la Yesu Kristo. Nous te prions d'exaucer chaque prière qui t'a été adressée. Tunakusi upate ukubali ombi yote walikutolea paifazi. Béni l'ancien que tu as utilisé. Ubariki mzee mnyolitumia. Pour conduire ce service. Wa kuongoza ibada. Nous te recommandons le reste entre tes mains. Mabaki tunayaacha mikononi mwako. Béni ce service. Ubariki ibada. Que ta parole soit apportée pour notre édification. Neno lako ipate kutangaziwa njoo ya ujenzi yetu. Au nom du Seigneur Jésus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. Daniel 6. Danieli sura 6. Dans son verset 16. Mstari ya 16. Alors le roi donna cet ordre qu'on amène Daniel. Na pale mfalme akaleta agizo ili papate kumkaribisha Danieli. Et qu'on le jette dans la fosse au lion. Na papate kumtupa mshimu ya wasimba. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Mfalme akabeba sauti na kusema na Danieli hivi. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance. Apate Mungu wako mwenye unatumikia na kudumu. Te délivrer. Kukukomboa. On apporta une pierre. Wakaleta libwe moya. Et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Na bakaiweka kule kumlango ya shimo. Le roi la scella. Mfalme akatia muhuri ili yule ajiwe na kikomo cha wakubwa afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Ili kusiwe kitu chochote cha kubadilishiwa juu ya Danieli. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka kusome neno lake. Daniel avait résisté au décret du roi. Danieli alikatalaka kutumikia ile agizo ya mfalme. Parce qu'il craignait Dieu. Juu alikuwa anaogopa Mungu. Et il marchait dans la fidélité à l'égard de la parole de Dieu. Na alikuwa anatembea katika uaminifu kumbele ya neno la Mungu. Il avait prouvé que c'était un véritable croyant. Alionyeshaka wazi ya kwamba alikuwa mwaminifu wa kweli. Lorsque vous voyez Daniel. Wakati mnamuona Danieli jeté dans la fosse au lion, anatupa mshimu ya simba à cause de sa foi juu ya imani yake. Il est aussi le type de l'épouse tuée. Eko vile vile picha ya bibi harusi mwenye kuwawa pendant les heures de ténèbres. Wakati ya vizazi ya magiza. Daniel jeté dans la fosse au lion. Danieli mwenye kutupwa mshimu ya wasimba. Et le type de l'épouse tuée pendant les âges des ténèbres. Anakuwa picha ya bibi harusi ule aliuawa kadiri ya vizazi ya magiza. Par Satan au travers des empereurs romains. Wa shetani kupitia wafalme wa Kiroma. À cause de leur témoignage de Jésus. Juu ya ushuhuda yabo juu ya Yesu. À cause de la vérité biblique qu'il défendait, Dieu a occupé la Bible, il est balancé au combania, tout en rejetant toutes les fausses doctrines de l'Église catholique. Kutupa na ukatala mafundisho yote ya bongo ya kanisa katolika. Ils n'ont pas accepté la délivrance. A kuitikie ukombozi. Ils ont défendu leur foi jusqu'à sceller leur sang. Wali kombania imani yabo hata ufika wakati damu yao. Ils ont été tués. Wakauawa. Et Dieu prendra aussi soin de les ressusciter. Na Mungu vile vile atawangaikia nje kuwafufula. Tous ceux qui sont morts pendant les âges de l'église. Wale wote walikufa kadiri ya vizazi ya kanisa. À cause de la parole de Dieu. Juu ya neno la Mungu. Et à cause de Jésus-Christ. Na juu ya Yesu Kristo. À cause de son nom. Juu ya jina lake. Dieu est puissant pour le ressusciter. Mungu ni wa uwezo juu ya kuwafufula. Lorsqu'il reviendra chercher son épouse. Wakati atarudiaka nje kutafuta bibi harusi wake. Parce qu'ils l'ont défendu. Jubo walimkombania. Et ils ont défendu leur foi. Na walikombania imani yao. Et Daniel le révèle dans son acte. Na katika tendo yake Daniel anaonesha wazi. Daniel le révèle dans son acte. Na ile Daniel anaonekanisha kupitia tendo yake. Il est le type ya kwamba yeye ni picha de tous ces vaillants combattants. Ya wale wote washuja qui ont défendu Dieu et qui ont défendu sa parole. Wale walikombania Mungu na neno lake. Qui ont en même temps aussi défendu leur foi. Wale vile vile walikombania imani yao. Ici dans Hébreu, au chapitre 11. Hapa mwa Ibrania sura 11. Hébreu au chapitre 11. Wa Ibrania sura 11. Dans son verset 13. Mstari yake ya 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ni katika imani ndio wote walikufa. Sans avoir obtenu les choses promises, bila kupata bitu bili aidiwa, mais ils les ont vus et salués de loin. Lakini waliona, waliviona na kuvisalimia kwa mbali. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Mimi kutambua kwamba walikuwa wageni na wasafiri pa dunia. Dans le verset 35 à 40, makumi tatu na tano hata makumi ine. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Des femmes mouraient. wanamuke walikuwa na kufaka na kufufuka avec l'espérance de ressusciter. J'interprète cela. Wanamuke walikuwa na kufaka. Les femmes mouraient dans la foi. Wanamuke walikuwa na kufaka katika imani. Avec l'espérance de la résurrection. Na tumaini ya ufufuko. D'autres furent livrés au tourment. Wengine walitolewa kwa mateso mkubwa. Et n'acceptèrent point de délivrance. Lakini hawakuitike kamwe kuachiliwa. Afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ndio akupata ufufuko ya mzuri zaidi. D'autres subirent des moqueries. Wengine wakawachekelea na kuwapika fimbo. Les chaînes et la prison. Miololo na kifungo. Ils furent lapidés. Wakapika mawe. Sciés, torturés. Kukatiwa na kupikwa na kukatiwa bilonda. Ils moururent tués par l'épée. Walikufa kwa mpanga. Aller ça et là, vêtus de peau de brebis. Wakaanza kwenda huku na huku, wenye kuvaa mangozi ya bambuzi na bambuzi dume. Dénués de tout. Wenye kunyanganywa vitu vyote. Il manquait tout. Walikosewa vyote. Persécuté, maltraité. Waliwateswa, kuwatendea mbaya. Et dont le monde n'était pas digne. Wale hawakustahili kumacha dunia. Errant dans le désert. Walikuwa mkuwaya ya mjangwa. Dans les montagnes. Milima. Dans les cavernes, mashimu, dans les ans de la terre, hata chini ya udongo, majimu, tout cela, wale wote, à la foi desquels ils ont rendu témoignage, kupitia imani yao walishuhudia, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, hawakupata inye walaka, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, Mungu mwenye kuwa na kitu kizuri kila cha kutayarisha juu yetu, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ili basifike bila shie kukamilifu. Ces hommes et ces femmes. Hawa wanaume na wanawake. Qui ont défendu leur foi. Wale walikumbania imani yao. Et qui ont défendu la parole de Dieu. Wale walikumbania neno la Mungu. Et qui sont morts à cause du témoignage de Jésus Christ. Na bo walikufa njoo ushuhuda Yesu Kristo. Ressusciteront au retour du Seigneur Jésus Christ. Kurudi kwa Bwana Yesu Kristo. Ils ne sont pas morts en vain. Abakukufe mwabure. Dans 1 Thessaloniciens. Wa Thessalonika wa kwanja. Au chapitre 4. Sura ya 4. Dans son verset 13. Musa ya 13. Nous ne voulons pas, frère. Atupendi wanduku. Que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Na pamoja naye wale walishakufa. Daniel défendait Jéhovah son Dieu. Daniel alikuwa anakumbana Yehova Mungu wake. Et il avait défendu sa foi. Na alikumbaniaka imani yake. Il est allé jusque dans la fosse au lion. Akaenda hata mshimu ya wasimba. Multiplier les saints qui sont morts. Ndio akufa kwa picha ya wale watakatifu waishakufa. Le Seigneur l'a protégé. Bwana akamulinda. Il est revenu à la vie. Akafufuka. Pour montrer que tous ceux qui défendent leur foi. Ndio akuonesha kwamba wale wote wenye kukumbania imani yao na Mungu wao. Même si il meurt. Hata kama wakikufa. Dieu les ramènera à la vie. Mungu atawarudisha kubuzima. Quand vous lisez l'histoire de Darius, mukisoma habari ya Darius, Darius a commis une erreur. Darius alitenda kosa. Il n'a jamais considéré aya bebaka na bei la voix de ceux qui l'ont précédé. Njia ya wale walimutangulia. il n'a pas considéré la voie par où tous les rois qui l'avaient précédé sont passés. Ashkuangalie na bei kabisa njia ile wale watafalme wote walimtangulia ili naye afate. Il n'a pas considéré Ashkubebe na bei la vie de Nebuchadnezzar. Maisha ya Nebuchadnezzar. Il n'a pas observé Ashkuangarishishe la vie de Belshazzar. Maisha ya Belshazzar. Comment ils avaient débuté leur royaume? Namna gani walianza ufalme yao? Comment ils avaient atteint leur apogée? Namna gani balifika mukuendelea mukimo ya juu kabisa? Et il n'a pas considéré leur déclin. Nashikuangalia namna gani balisha? Il n'a pas considéré les causes de leur chute. Kwa sababu ilileta kuanguka kwao. Comme nous l'avons déjà souligné une fois, c'est la même erreur que le roi de Juda et le roi du royaume d'Israël avaient commise. C'est la même erreur que tous les âges de l'Église. Il est visage du côté de la Canisa. On commis. Naolitend. Ils ne se sont jamais arrêtés. Kamwe abakusimame. Pour observer comment un âge a commencé avec le Saint-Esprit. Donc en garde namna gani kizazi kili tangulia kilianza na Roho Mtakatifu. Par les surnaturels. Kupitia ya kiro. Dans la vérité de la Bible. Katika ukweli ya Biblia. Comment cet âge s'est élevé jusqu'au point culminant? Namna gani kile kizazi kilijiinua sana kabisa? Ils ont atteint la gloire. L'âge a atteint la gloire. Bakafika utukufu. Et ils n'ont jamais considéré comment les âges sont tombés. Na kamwe awakangalia namna gani vile vizazi vyote vilifika mkuanguka. Cette erreur est commise par beaucoup de frères. Inkosa bandugu wa mingi na bubuko naifanya. Par beaucoup d'églises. Makanisa mingi na yafanya. Pas beaucoup de prédicateurs. Na wahubiri wengi wanafanya les causes. Darius en prenant le pouvoir. Darius mkubeba ufalme. Il voulait aussi avoir. Alipenda vile vile kuwa. Un royaume plus brillant. Na ufalme ya kuanga kabisa ya kuendelea kabisa. Que celui de ses précédents. Kuliko ya wale ufalme walimtangulia. En gloire, katika utukufu, en puissance, muwezo. Souvent c'est l'objectif que tout homme a. Mara mingi ndio kifuzio kila mtu anakaka nacho. De vouloir faire quelque chose de très différent de ceux qui l'ont précédé. Mais souvent les hommes n'y arrivent pas parce qu'ils ne sont pas attentifs et ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi mes prédécesseurs sont tombés. Pourquoi les frères qui étaient parmi nous ont abandonné la foi? Wanduku wale walikuwa katikati yetu baraka neno. Pourquoi les églises qui nous sont précédées sont tombées? Jwani makanisa ile tutangulia ishaanguka. Pourquoi les prédicateurs? Jwani wahubiri qui étaient au début wale walikuwa kumwanjo dans la foi sont tombés. Katika imani baishaanguka. Nous devons toujours observer. Tunapasha kila mara kuangarishisha. Le chemin par où est passé. Njia mule mulipitia. Nos prédécesseurs dans la foi. Watangulizi wetu katika imani. Nous devons considérer le chemin qu'ils ont suivi. Tunapasha kuangalia ile njia ambayo walifuata. Pour prendre garde à notre marche. Njia kusopoka na shie msafari yetu. Afin d'imiter ili tufatirishe le bien et de rejeter le mal. Na kukata, kuacha bibaya. Dieu n'appréciera jamais le mal. Asafurahikiaka kama bubaya. Dieu appréciera toujours le bien. Mungu atafurahikia paka kizuri. Mais regardez Darius. Lakini tazameni Darius. Qui lui a dit Nani alimonesha? De se faire adorer. Ili bapate kumwabudu yeye. Il avait bien observé la conduite de ses prédécesseurs. Kama aliangalishaka mzuri mwenendo ya wale walimtangulia mfalme. Il aurait compris. Aliwezi kuelewa. Que tous sont tombés. Kama wote walianguka. À cause de l'idolâtrie. Juu ya kuabudu kwa sanamu. Il aurait compris que Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Aliwezi kuelewa kwamba Mungu ashifurahiki kamwe maabudu ya sanamu. Et il aurait échappé à cela. Na pale aliwezi kuepuka kile kitu. Mais nous apprécions le comportement de Daniel. Lakini hapa tunafurahikia mwenendo wa Danieli. Qui est le type d'un véritable chrétien. Mwenye kwa picha ya Mkristo wa kweli. Les décrets. Agizo ya mfalme. Étaient publiés. Walitangaza. Dans Daniel 6 au verset 7. Musura Danieli sura 6 mstari wa 17. Mais lui en tant que croyant. Lakini yeye sa mwaminifu. Dans le verset 10. Mstari wa 10. Il refuse d'obtempérer. Anakatala kutii. Il refuse d'appliquer. Anakatala kutumikia. Le décret du roi. Agizo wala mpango ya mfalme. Pourquoi? Dieu a nini? Parce que son décret était contraire à la parole de Dieu. Ilikuwa kinyume na neno la Mungu. Daniel a refusé d'obéir. Daniel alikataa kutii. Et d'appliquer le décret du roi. Na kutumikia mpango wa mfalme. Parce que ce décret ile mpango était contraire à sa foi. Ilikuwa kinyume na imani yake. Aucun véritable chrétien. Hakuna tamu Kristo mwa wa kweli. N'est obligé d'appliquer. Analazimishwa kutumikia. Une loi de son pays. Sheria ya nchi yake. Qui est contraire à la parole de Dieu. Yenye kwa kinyume na neno la Mungu. Et qui est contraire à sa foi. Na ile kuna kumbanisha imani yake. Tout véritable chrétien est dans l'obligation de respecter la loi de son pays. Il est soumis à la loi de son pays. Et il est soumis aux autorités de son pays. Mais un véritable chrétien. Lakini mukristo wa kweli. Une véritable chrétien. Mwanamke mukristo wa kweli. N'est pas lié. Ashiungwe. À se soumettre à une loi. Ashiadimishe kutii sheria. Contraire à la parole de Dieu. Ikuwa kinyume na neno la Mungu. Et contraire à sa foi. Ikuwa kinyume na imani yake hapana. Lorsque nous prenons Romains chapitre 13, wakati tunapewa kitabu wa Roma sura 13, la Bible est claire. Biblia iko wazi. Tout pouvoir vient de Dieu. Uwezo yote, mamlaka yote inatoka kwa Mungu. C'est vrai. Bia kweli. Mais il ne faut pas confondre. Lakini haipashi kuvuruga bitu. Tout règne ne vient pas de Dieu. Utawalo yote haitokeka kwa Mungu. Dans Matthieu au chapitre 4, au Matthieu sur la ligne, dans son verset 8, la Bible dit, Bible nasema, l'Église est avec moi, et tu connais son infata, tout pouvoir vient de Dieu, ou est-ce yote inatokiaka kwa Mungu, mais tout règne ne vient pas de Dieu. Lakini utawalo yote aina Mungu anailetaka. Non, bien aimé frère. Hapana ndugu mpendwa. Matthieu au chapitre 4. Matthieu sur la ligne. Dans son verset 8. Mutara kia munani. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Shetani akamchukua tena yule mlima moya ilikuwa juu sana. Et vraiment c'est une montagne très élevée. Na hakika kweli mlima mrefu sana. Lorsque j'étais là, wakati nilifika kule, cette montagne, nilifika yule mulima. Alors j'ai dit, na nikasema pale, c'est quand vous êtes sur cette montagne là, wakati ko yule ile mulima, alors votre vue, kuona kwako, se perd, unapotea. Il lui montra tous les royaumes du monde, akamonesha mafalme yote ya dunia, et leur gloire, na utukufu yayo. Et lui dit, je te donnerai tout ce que je veux. Yesu, nitakupatia hii vitu vyote. Si tu te prosternes et tu m'adores. Kama tu meinama na kunyabudu. Mais regardez ce qui se passe. Lakini tazameni, ile unapitika. Dans les nations. Mumaichi. Dans les royaumes. Maufalme. Quand Dieu donne le pouvoir à quelqu'un. Wakati Mungu anapatia mamlaka mutu fulani. Au lieu que ce dernier exerce son pouvoir par Dieu, par la parole de vérité, selon la volonté de Dieu, mais une fois qu'un homme est dans le pouvoir, est au pouvoir, abandonne Dieu et qui lui a donné le pouvoir, il veut fortifier son pouvoir. Anapenda kuletea nguvu ya uwezo yake. Par les voies sataniques. Kupitia manjia ya shetani. Et il finit par abandonner Dieu. Na mwisho yote anaenda kuacha Mungu. Et se plonger. Na kujitumbukiza. Sous le pouvoir de Satan. Chini ya uwezo ya shetani. Et il laisse son règne à Satan. Na pale anaacha utawala yake mumikono ya shetani. De telle manière. Namna kusema. Que ce n'est plus Dieu qui règne. Aina tena Mungu mwenye kutawala. C'est maintenant Satan qui règne dans son pouvoir. Sasa ni shetani anatawala kutawala muongozi wake. Le pouvoir lui vient de Dieu. Uwezo yo inatokea kwa Mungu. Il n'y a aucun homme qui peut accéder au pouvoir sans que Dieu ne lui ait donné. Hakuna mtu anaweza kuingia kwa mamlaka kuongoza inchi bila Mungu ampatie ile uwezo kuongoza. Ce n'est pas celui qui donne le pouvoir. Lakini mambo aina ya ule kunaleta uwezo wa kuongoza inchi. Le problème c'est comment gérer le pouvoir quand on a le pouvoir. Sasa mambo ni namna ya kuongoza ile uwezo anakupatia kwa Mungu kisha wewe kuya mwile mamlaka. Mais comme les hommes. Lakini sasa vile batu sont toujours penchés vers le mal. Kila mara wanategamia kapa ngambo bubaya. Une fois étant au pouvoir. Kama tu aningia sasa mamlaka kuongoza inchi. Il ne peut plus considérer Dieu. Hawezi tena kumbeba Mungu na kumheshimia. Il ne considère plus la parole de Dieu dans ce qu'il fait. Tena neno la Mungu la ile bora fanya. Il veut fortifier le pouvoir yao, par les moyens sataniques. De telle manière qu'il s'abandonne à Satan et laisse Satan régner dans le pouvoir. C'est vrai. C'est ce qui arrive. Les gens règnent par Satan. C'est ainsi que la domination vient du diable. Regardez tous les politiciens. Quand ils veulent parler de leur pouvoir, ils utilisent une portion de l'écriture. C'est ça la règle du diable. Tout pouvoir vient de Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné. Oui, c'est Dieu qui donne à tout homme le pouvoir et le règne sur une nation, sur un peuple. Mais la plus grande question est celle-ci. Est-ce que ceux qui sont établis par Dieu règnent-ils par Dieu? Ya Mungu. C'est compris? Eti mnasikia? C'est ainsi que vous voyez. Unaona Nebukadnezar alikotola. Vous l'avez vu depuis Salomon. Mlione le mambo tangia Salomon. Tous les rois de Juda. Wafalme wote wa Yuda. Tous les rois d'Israël. Wafalme wote wa Israeli. Tous les rois des nations. Wale wote wa maishi. Sont tombés dans le même pouvoir. Walangukia. Dans la même ère. Mwile nkosa moya moya. Nous en tant que chrétiens. Si est-ce à Christu. Nous devons respecter. Tunapasha kuheshimia. Toutes les lois de nos pays. Ma sheria yote ya inchi. Toutes les lois de pays de nos pays. Ma sheria yote ya inchi yetu. Ils sont justes. Yenye kwa haki. Ils sont conformes à la volonté de Dieu. Yenye kwa mbatana na mapenzi ya Mungu. Oui bien aimé frère. Ndio ndugu mpendwa. Et nous devons honorer les autorités. Na tunapaswa kuheshimia wenye mamlaka. Pour être juste devant Dieu. Ili tupate kuwa wa haki mbele ya Mungu. Wa kunyoloka. Être correct. Kwa sawa. De telle manière namna hiyo, que dans notre conduite, ndani ya uongozi yetu, quand les hommes nous voient, wakati batu panatazama na kutuona, tunaheshimia wenye mamlaka, tunaheshimia masheria ya nchi yetu ya haki, masheria yenye kwa haki, pale sasa kinywa, la bouche kinywa de tous les païens ya wapagano wote sera fermé, kitafungwa. Mais si ce sont des lois contraires, lakini kama ni masheria yenye kuachana, maagizo yenye kuachana na neno la Mungu, aucun chrétien, pala hakuna hata mkristo mmoja, alalazimisha kuyatimiza. Quand vous prenez Daniel au chapitre 1, nous avons déjà vu cela. Tushaiona mkibeba Daniel sura kwanja. Dans son verset 5 et 8. Mstari ya 5 na ya 8. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ne pouvaient pas se fuyer avec des aliments consacrés, sacrifiés aux idoles, malgré l'ordre du roi. Ils ont préféré abandonner le vin, walipenda kuacha, walikubali kuacha mvinyo na nyama, kumeza mfalme, et manger les légumes, na kwenda kula vya mayani. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu était plus importante que le règlement du roi. Leur foi avait plus de valeur que leur santé. Leur foi en Dieu avait plus de valeur que manger à la table du roi. Kuliko kwenda kula kumeza mfalme. Il y a toujours quelque chose d'anormal. Kupaka kitu moi qui a choqué quoi qu'à sawa. Dans la foi des gens. Dans la imani ya watu. Qui abandonne la parole de Dieu. Wale uko naacha neno la Mungu. Pour leur ventre. Juu ya tumbo yao. Ils prouvent qu'ils n'ont pas de foi. Leo unaonesha wazi ya kusema abana na imani na waamini hapana. Dans Daniel 3, Daniel sur la tête, quand vous prenez le verset 5, 6, 16 à 18, 18, Shadrach, Meshach et Abednego ont préféré aller dans la fourneuse, ont préféré briser la loi du, le décret du roi. Il est à Guizou Mfalme. Plutôt qu'adorer. Uliko kwa budu. La statue d'or que le roi. Il est un homme yazabu. Il est Mfalme Marleta mbele yao. Ils ont brisé. Walivunja. La loi qui les obligeait. Ile sheria ilibalazimisha. D'adorer la statue d'or. Babudu sanamu yazabu. Parce qu'elle était contraire à la parole de Dieu. Et elle était contraire à leur foi. Ils ont préféré mourir. Ils n'ont pas préféré conserver leur vie. Tout en adorant la statue. Ils ont préféré mourir kufa, tout en conservant kuchunga, leur foi imani yao, en Dieu. Dani ya Mungu. Il en est de même de Daniel. Ndio vile vile pamoja na Daniel. Le décret était signé. Agizo ya mfalme alikuwa shautia kistari. Il a préféré aller dans la fosse sans lion. Akapenda akakuitikia bamutupe mshimo wa simba. Plutôt qu'adresser des prières à un individu. Uliko kutolea maombi kwa mutu. Parce que sa loi, cette loi, juu ile sheria, était contraire, ilikuwa kinyume, à la parole de Dieu, à sa foi, na neno la Mungu, na imani yake Daniel. Donc, en termes clairs, quand une loi, wakati sheria fulani, n'est pas conforme à la parole de Dieu, ayambatane na neno la Mungu, n'est pas conforme à la volonté de Dieu, ayambatane na mapenzi ya Mungu, un véritable chrétien, Mkristo wa kweli, n'est pas tenu lazimishwe kuheshimia ile sheria. Non. Hapana. Mais regardez dans Daniel au chapitre 7, on évolue un peu. Lakini tazameni mu Daniel sura 7, tusonge kwanza mbele. Ici dans Daniel au chapitre 7, hapa mu Daniel sura 7, ce sont des visions que Daniel a vues sous le règne de Belshazzar. Ni maonyo ile Daniel alipata mu utawala wa Belshazzar. Et Dieu lui montre la même vision que le roi Nebuchadnezzar avait vue. Na Mungu akampatia onyo moya moya ile mfalme Nebuchadnezzar alionaka. Mais sous un autre angle. Lakini munamna ingine. Nebuchadnezzar avait vu une statue. Nebuchadnezzar alionaka sanamu moja. Mais ici Daniel, lakini hapa Danieli, a reçu la vision de quatre bêtes, quatre animaux, banyama ine. Dans Daniel au chapitre 7, Daniel sur la Saba, c'est la même vision, ni onyo moya moya, qui parle de la même chose, mambo moya moya, mais Dieu utilise Mungu des langages différents. Mbili ya kwa chana. La première année de Belshazzar, roi de Babylone. Mwaka ya kwanza Belshazzar, mfalme wa Babylone. Daniel eut un songe et des visions. Daniel akapata ndoto na maonyo. Qui se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sous sa couche. Katika roho yake wakati alikuwa amekulala. Ensuite, il écrivit les songes et raconta les principales choses. Na akasema bintu vya msingi bila aliona mwile ndoto. Daniel commença et dit. Daniel akanja na kusema hivi. J'ai regardé pendant ma vision nocturne. Nikatazama wakati ya onyo wangu usiku. Voici les quatre vents de ces furent irruption sur la terre, sur la grande mer. Natazama ima mpepo kubwa ine ikapika mapembe ine ya bahari. Et quatre grands animaux sortis de la mer, différents les uns des autres. Na banyama ine bakubwa bakatoka mbahari benye kuachana mmoja na mwingine. Le vent dont Daniel parle ici, mampepo inyele Daniel anasemea hapa, ce sont des guerres, ni mavita. La grande mer, ce sont les peuples, c'est le peuple, ni watu. Daniel dans sa vision, Daniel katika onyo yake, il a vu quatre vents, aliona mapepo ine, quatre guerres, mavita ine, qui sont apparus sur la terre, ilionekana pa dunia, parmi les peuples, katikati ya watu, et quatre animaux, quatre grands animaux, banyama kubwa ine, sortir de la mer, katoka mbari, différents, benye kuachana, les unes des autres, mmoja na mwingine. Ne vous en faites pas, on va parler tout ça en détail. Le premier animal, le premier était semblable à un lion. Il y aura le temps d'écrire cela. Et avait des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Nikatazama hata fika wakati ile mabawa yake wakaiondosha wakaikata. Il fut enlevé de la terre. Akaondoshwa pa dunia. Et mis debout sur ses pieds comme un homme. Na kasimama bwima juu ya miguu yake sawa mtu. Et un cœur d'homme lui fut donné. Na moyo ya mtu ikampewa. Le premier animal était semblable à un lion. Nyama wa kwanza alikuwa mwenye kufanana na simba. Avec les ailes d'aigle. Na mabawa ya wantai. Et Daniel voit. Na Daniel akaona. Les ailes d'aigle. Ile mabawa ya wantai. Qui étaient sur le lion. Ile kwa yule simba. Lui furent arrachés. Bakamkata ayo. Et un cœur d'homme lui fut donné. Na moyo ya bumuntu ikampewa. Ce premier animal, le lion, uyu nyama wa kwanza simba, montre le premier empire de kononesha ile ufalme wa kwanza ya Babiloni. Que Nebuchadnezzar avait vu dans sa statue, ile Nebuchadnezzar alionaka msanamu yake, comme la tête d'or, sawa kichwa ya zahabu. Nous allons y arriver. La tête d'or dans la statue de Nebuchadnezzar, ou le sanamu wa Nebuchadnezzar est typifié ou est égal au lion dans la vision de Daniel. Ni pamoja na simba ule Daniel anaona muonyo yake. Le lion et la tête d'or, simba na kichwa ya zahabu, les deux signifient yote mbili maana yake l'empire babylonien, palme ya Babyloni. Et voici un deuxième animal. Na tazameni sasa nyama wa pili. Était semblable à un ours. Alikuwa mwekufanana na duku. Et se tenait d'un côté. Alikuwa anasimamia ngambo moja. Il avait trois côtes dans la gueule entre ses dents. Alikuwa na mabavu tatu mkinyo yake kati ya mumeno yake. Et on lui disait, lève-toi. Na alikuwa anamuonesha amka. Mange beaucoup de chair. Kula nyama mingi. Le deuxième animal dans la vision de Daniel. Unyama wa pili muonyo ya Danieli. C'est un ours. Ni duku. Et ici l'ours, na apa aduku, dans la statue kule de Nebuchadnezzar, montre et représente ni pa moya, wala par la poitrine et les bras en argent. Anonekanishwa na kilari na mikono ya feza kusanamu ya Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar avait vu une statue ya yonaka sanamu dont la tête était d'or, mwenye alikuwa na kichwa cha dhahabu, et dont la poitrine et les bras étaient kilari na mikono ya feza. Maintenant Dieu montre à Daniel, Mungu anamuonesha Danieli, un ours kumoja qui se tient d'un côté unasimamia ngambo moja, et qui avait trois côtes entre ses dents. Na alikuwa na mifupa tatu mkinyo yake, alikuwa anamuonesha amka na ukule nyama mingi. L'ours duku, dans la vision de Daniel, mwenyele anaonekana muonyo ya Danieli, typifie les Medes et les Perses, wa Medi na wa Persi. La poitrine et les bras d'argent, kilari na mikono ya feza, dans la vision de Nebuchadnezzar, muonyo ile ya Nebuchadnezzar, et l'ours na duku, dans la vision de Daniel, muonyo ya Danieli, ces deux choses, hii yote mbili, représente nikionyesho le deuxième empire ya ufalme ya pili de Medes et Persi, ya wa Medi na wa Persi. Les Medes et les Perses, wa Medi na wa Persi. Daniel les voit. Daniel anawaona. Dans sa vision, typifié en ours. Muonyo muhali ya duku. Nebuchadnezzar voit. Nebuchadnezzar anawaona. Dans sa statue. Mukule kusanamu ile. Dans la poitrine. Yenye kuonekanishwa na kilari na mikono ya feza. Nous allons expliquer. Tutafasilia hii yote. Et après cela, j'ai regardé. Et voici un autre était semblable à un léopard. Et avait sur le dos 4 ailes. Comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. Et la domination lui fut donnée. Le troisième animal dans la vision de Daniel, nyama watatu, mouonya Daniel est un léopard avec 4 ailes. Il avait 4 têtes. Alikuwa na bichwa ine, et la domination lui fut donnée. Na utawalo ilimpewa. Dans la vision de Nebuchadnezzar, mouonya Nebuchadnezzar, le troisième royaume est représenté upalme ya tatu nenukanishwa, par le ventre et les cuisses en airain. Nantumbo na miguu ya shaba. Mais ici dans la vision de Daniel, apa mouonya Danieli, cela est représenté, le troisième royaume upalme ya tatu inaonekanishwa, est représenté par un léopard. Nantui. Qui montre le troisième empire, il est où les connaissances au falme à tatou, la Crèce, Crèce d'Alexandre, il est à Alexandre. Et après cela, Nakishaio, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, Nkangalia, mouonyo yangu, et voici il y avait un quatrième animal, nyama waine, terrible, wa masajabu, épouvantable, wa kugopesha, extraordinairement wa kushangaisha. Il avait des grandes dents de fer. Alikuwa na meno mkubwa, il minene ya chuma, alikuwa na kula, kuvunja, et il foulait au pied, na kanyanga kwa miguu yake, mabaki. Il était différent, alikuwa mwenye kuachana, de tous les animaux précédents, na banyama bote wale waliotangulia, na alikuwa na mapembe 10. Dans la statue de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, le quatrième empire, ou le quatrième royaume, est représenté par les jambes en fer, et dont le pied en partie fer et en partie argile. Et ici, dans la vision de Daniel, le quatrième empire, qui n'est pas autre empire que Rome, est représenté par un animal terrible, épouvantable, et extrêmement fort, qui avait des dents de fer. Il mangeait, il foulait, il mangeait, il brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Et il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 corps. C'est vrai. Mais regardez dans son verset 8. Une petite corne sortie de ces 10 cornes. Kapembe kadogo kakatokea mwi katikati ile mapembe 10. Et ayi, trois des premières cornes, na kulikuwa mapembe 3 kati ya ile 10, qui furent arrachées par la petite corne. Ile kale kapembe kadogo ilikata. Mais cette petite corne, lakini ya kapembe kadogo, avait les yeux d'homme, alikuwa na macho ya mtu, avec une bouche na kinywa, qui parlait avec arrogance. Il est kilikuwa anasema na yauri. Daniel dit, Daniel akasema, je considérais les cornes, nikangalishisha ile masengo ile mpembe, et voici natazameni, une autre petite corne, mapembe kengine kadogo, sortie du milieu d'elle, kakatokea katikati ile mapembe yote 10. Cette petite corne, aka kapembe kadogo, n'est pas sortie en dehors des 10 cornes, akatokea nje ile mapembe 10. Elle est sortie au milieu, kakatokea katikati, elle est sortie parmi les 10 cornes, kakatokea katikati ile mapembe 10. Et quand cette petite corne, na wakati aka pembe kadogo, est sorti, kalitoka, Parmi les 10 cornes, katikati ya mapembe 10, il y a eu 3 cornes. Ukakuwa mapembe 3 qui ont été arrachées par cette petite corne. Mbele bokunaka kapembe kadogo. Mais en voyant la petite corne, lakini mkuona kale kapembe kadogo, elle avait des yeux, alikuwa na macho, les yeux d'homme, macho sa ya mtu, elle avait une bouche, alikuwa na kinywa, qui parlait avec arrogance. Ile kilianza kusema na yauri. Elle était très arrogante. Na hii pembe ilikuwa ya yauri sana. Mais regardez. Lakini tazameni. Pendant que cette corne parlait avec beaucoup d'arrogance. Wakati akapembe kadogo kalenda kusema na yauri sana. On a vu des trônes être placés. Bakaona maenzi bana Daniel qui voit. Daniel akaona maenzi ingine banaipanga. Daniel voit. Daniel anaona des trônes être placés. Maenzi banaipanga. Et on voit quelqu'un. Na bakaona mutu moja qui est semblable à un fils de l'homme. Mwenye kufanana na mwana wa mutu. Qui s'avance vers l'ancien des jours. Oula kakaribia mbela mzee wa masiku. Et quand il s'avance devant l'ancien des jours. Na wakati amekaribia mbela mzee wa masiku. Il était habillé en vêtements blancs. Alikuwa mwenye kuvaa kitani mweupe. Il avait sur sa tête des cheveux comme de la lumpure. Mais dans son trône, ndani ya enzi yake, des flammes de feu s'y sortaient. Mandimu ya moto ilianza kutoka pale pa enzi yake. Quand Daniel regarde, quand Daniel anangalia, le trône avait des roues. Kiti ya enzi kilikuwa na mipeto. Et les roues étaient de feu ardent. Na mipeto ilikuwa moto ya kuteketeza. Et Daniel regarde. Na Daniel akangalia. Un fleuve sortait devant lui. Muto moya ikakuwa mbele yake. Toni moya. Je vous ai dit dans les jours passés. Matika kumkoni nilimuonesha. Que Babylone. Ya kwamba Babylone. Était conçue. Ilitungwa. À l'imitation de la cité de Dieu. Mukufatilisha ile muji ya Mungu. Le trône était presque au-dessus du fleuve Euphrate, et qui partageait la ville. Ya muto Euphrate, il est dans son gawanya bio mu vipande mbili. Et on voyait comme si l'Euphrate sortait du trône. Balanza kuona tona sa muto ya Euphrate ilianza kutokea mukiti ya enzi. Et devant ce trône, Nambele aile enzi, un fleuve sortait devant lui. Mutomo ilianza kutokea kule. Et Daniel regarde. Na Daniel akangalia. Mille milliers le servaient. Maelfu na maelfu ilikuwa namtumikia. Na mwabudu. Il y avait une multitude d'anges. Kulikuwa maelfu na maelfu ya malaika wale walikuwa wamwabudu. Pendant que Daniel regardait. Wakati Daniel alikuwa mkutazama. Il vit des juges. Akaona wamzi. Qui apparurent. Wale wakaonekana. Et s'assurent sur le trône. Na wakaketi pa ile maenzi. Et les livres furent ouverts. Na kitabu kikafunguliwa. Vous voyez. Naona. À cause de l'arrogance, lakini jutu ya yauri, de la petite corne, ya kale kapembe kadogo, l'animal fichiwe, nyama akauawa, et livré au feu pour être brûlé, na katolewa kumoto ili achomwe, l'animal lui-même, nyama ye mwenyewe, la quatrième bête, ule nyama wa ine, fichiwe, akauawa, et livré au feu pour être brûlé, na bakamtoa mumoto njo kumchoma. Mais lakini les autres animaux hawa nyama wengine furent dépouillés de leur autorité, de leur puissance. Bakanyanganywa mamlaka yao wala uwezo yao. Et une prolongation de vie fut leur accordée. Na masiku bakabaongezea. C'est vrai. Ni bya kweli. Et quand Daniel a vu cela, na wakati Daniel aliona ile yote, il était troublé. Alivurukwa. Pouvons lire à partir du verset 9. Vous avez vos Bibles. J'essaie de résumer ça. Parce que nous y reviendrons. À partir du verset 9. Vous pouvez aller jusqu'au verset 14. Tout ce que je vous ai dit se trouve là. Maintenant dans le verset 15. La Bible dit, moi Daniel, j'ai l'esprit troublé au-dedans de moi. Et les visions de ma tête m'effrayaient. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là. Et je lui demandais de me révéler la vérité. Car à toutes choses. Il me répondit, m'en fournit l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui se lèveront de la terre, mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. L'ange lui donne des explications. Et nous allons vous expliquer ça, vous le comprendrez. Dans le verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres. Extrêmement terrible. Qui avait des dents de fer, des ongles de rein, qui mangeait brisé, et foulait aux pieds ceux qui restaient, et chez les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sorti, et devant elle les trois étaient tombés sur cette corne qui avait des yeux, une bouche qui parlait avec arrogance, na kiburi, et une plus grande apparence na hali que les autres. Ya konekana kuliko ile mapembe ingine. J'ai vu cette corne nikaona akapembe fait la guerre kufanya vita kwa watakatifu et l'emporter sur eux na kupata ushindi yulu yao jusqu'au moment où l'ancien des jours hata si wakati ile mzee wa masiku vint donner droit au saint du Très-Haut et les temps arrivant où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et il dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes sont les 10 rois qui se lèveront de ces royaumes. Un autre se lèvera après. Il sera différent de premier. Il abaissera les trois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et les lois. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps de temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours, et le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple saint du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs les serviront et lui obéiront. Ici finissent les paroles. Moi Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. J'ai changé de couleur et j'ai conservé ces paroles dans mon cœur. La vérité sur le quatrième animal. Ukweli yule ole nyama wa ine. Extrêmement terrible avec les dents de fer. Ule wa mastajabu sana mwenye kuwa na meno ya shaba ya chuma. Deuxièmement la vérité sur les 10 cornes. Ukweli tena alipenda kujua yule ile pembe kubwa. Troisièmement la vérité sur la petite corne. Yule ile kapembe kadogo. Avec des yeux d'homme. Yenye kuwa na macho ya bumutu. Une bouche qui parle avec arrogance. Na kinywa kinasema na kiburi. Ces choses se passeront. Au temps de la fin. Wakati ya mwisho. Dans la 70e semaine. Juma ya makumi saba. De Daniel. Ya Danieli. Nous en parlerons. Tutayasema. Et après cela. Na kisha ya. Dans le chapitre 8. Musura mnane. Toujours dans ses visions nocturnes. Paka mwile onyo yake ya usiku. Daniel voit. Daniel akaona. Un bélier et un bouc. Kondo dume na mbuzi dume. Et ce bélier. Na u kondo dume. Se tenait devant le fleuve. Alikuwa na simama mbele ya muto. Avec des cornes. Na mapembe mbili. Dont l'une était plus haute que l'autre. Mumoya ilikuwa mrefu kuliko ingine. Et pendant qu'il regardait, non, quand il observait le bélier, il voit un bouc qui sort, et qui se tient devant le bélier, le bouc, le bélier s'irrite contre le bouc, mais les deux cornes du bélier furent brisées devant le bouc. Le bélier n'est pas autre chose. Kondo dume ana kitu kingine. Que les Mèdes et les Perses. Isipokuwa tu wa Mèdi na wa Persi. Les Indiens. Wa Indien. Les deux cornes. Ile mapembe mbili. Ce sont les mains. Ni wa Mèdi. Et les Perses. Na wa Persi. La corne qui était la plus élevée, nous le verrons. Il est pembe, il est mref, qui était un peu plus haute que l'autre. Il est mref, lingine, c'est le Perse. Ndio wa Perse. J'ai levé les yeux. Nika, macho, j'ai regardé. Nika, tazama, et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Na tazama, kondo, dume, mwa, et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes. Mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle se leva la dernière. Na, akajinua wa mwisho. J'ai vu le bélier. Nika, ona, kondo, dume, qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait et devint puissant. Et comme j'ai regardé attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans le toucher, sans la toucher. Et ce bouc était et avait une grande corne entre ses yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait dume, des cornes et qui avait vu et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut vers lui dans sa fureur. Je l'ai vu, il s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa na kamuvunja les deux corps ile mapembe yake mbili sans que le bélier bila kondo dume awe na nguvu ya kushindana na mbuzi dume il les jeta par terre na kamtupa badu ya ifoka padlongo na kuikanyanga et qui personne pour délivrer le bélier na kuwe mtu akomboa kondo dume les boucs devaient être puissants mbuzi dume akakuwa nguvu sana et mais na ki lorsqu'il fut puissant wakati akakuwa nguvu sa grande corne ile pembe yake kubwa ikavunjika quatre grandes cornes mapembe ile ikaamuka pour la remplacer ya kukomboa au quatre vents de Dieu basi ile mapepo ine ya Mungu des visions compliquées maonyo ya nguvu kupigia mais ça ne parle pas d'autre chose lakini imambo aiseme mambo ingine le bouc mbuzi dume parle de la crèche ni crèche qui a vaincu ou la lichinda wa medi na wa persi ça va semer l'une d'elles est sortie Mumoya ile mapembe ya toka. Elle est sortie une petite corne. Katikati ile pembe moja katoka pembe moja. Ilikuwa mukomea mukoma sana. Cha kufunika katikati. Vers l'Orient. Kule kwa asubuhi. Et vers le pays le plus vers le plus beau pays. Na kando ngambo ya inchi ile ilikuwa nzuri sana. Ah le plus beau pays. Ma inchi nzuri sana. C'est Israël. Na inchi nzuri sana ni Israël. Nous en parlerons. Ça estimer. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Na ile kupembe ikasimama ikakomala. Lui enleva le sacrifice perpétuel. Akamwangalia le sacrifice son sanctuaire. Ikabomola mahali na hekalu. L'armée fut livrée. Jeshi katolewa. Avec le sacrifice. Na sadaka perpétuel. Ile ya kuloti. À cause du péché. Tutu ya zambi. La corne jeta la vérité par terre. Pembe ikatupa ukweli. Elle est dans tes entreprises. Na ikapokea makazi yake. J'ai entendu parler. Un saint et un autre saint dit à celui qui parlait pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur jusque dans les sanctuaires et l'armée seront-ils foulés. Ce sont des choses qui s'accompliront à la fin. Nous allons en parler avec beaucoup de détails. Le bouc, c'est la crèche. Le bélier, c'est le quatre animaux. Vous voyez, naona. Donc, les lions, Simba. C'est l'empire babylonien. L'ours, Duku. Vous voyez, ce sont les mains de l'Éternel. Vous voyez, naona. Tandis que le léopard, c'est la crèche. Maintenant, ça, l'animal terrible, c'est Rome. Ni Rome. Mais dans sa phase finale, il y aura beaucoup d'événements que nous allons voir. Et toutes ces visions, Daniel les avait vues. Daniel a yaona. Au temps du roi Belshazzar. Et vous voyez que lui-même, après avoir vu cela, il était troublé. Quand Nebuchadnezzar avait vu sa statue, il fut troublé. Et Daniel vint interpréter la statue. Akakuya na kutafsiri ile sanamu. Onyo ya Nebukadnezar. Sasa Mungu donne la même vision à Daniel. Aleta ile onyo moya kwa Danieli. Lakini ali sasa ya banyama. Et après que Daniel ait vu cela. Daniel kupisha kupata ile onyo. Akaona kutenda na wala kutumika kwa ile banyama. Akachanganyika makili yake. Que le Seigneur vous bénisse. Wala Mungu ambariki. Nous allons continuer dimanche. Tutaendelea muyenga. Ne vous en faites pas. Je sais que dans vos questions, dans votre tête, il y a encore de l'ombre. Il y a encore de l'ombre. Il y a encore des ténèbres. Mais vous serez éclairé. Parce que ce sont les choses qui nous concernent. Lèvons-nous pour la prière. On a placé aujourd'hui le décor de quelque chose qu'on va parler. Et toutes ces choses ici, on va en parler avec détail. Des choses qui se sont déjà accomplies. Les choses qui s'accompliront. Et les choses qui sont en train de s'accomplir. dans ces choses, ndani ya ibitu, Dieu nous révèle des choses très importantes pour notre édification ya ujenzi yetu, et pour notre avertissement. Prions. Tuombe. Seigneur, merci.